Chapitre 137e. Les évanouissements d'André. Tavernet, lorsqu'il reprit ses sens et approfondit ce qu'il appelait son malheur, comprit que le moment était venu d'avoir une explication sérieuse avec la cause première de tant d'alarmes. En conséquence, bouillant de colère et d'indignation, il se dirigea vers la demeure d'André. La jeune fille donnait la dernière main à sa toilette, levant ses bras arrondis pour boucler derrière l'oreille de tresses de cheveux rebelles. André entendit le pas de son père dans l'antichambre au moment où, son livre sous le bras, elle allait franchir le seuil de son appartement. « Ah, bonjour André, » dit M. de Tavernet. « Vous sortez ?»« Oui, mon père. »« Seul, vous voyez. Vous êtes donc encore seul ?»« Depuis la disparition de Nicole, je n'ai pas repris de fille de chambre. »« Mais vous ne pouvez vous habiller, André. Cela vous fait tort. Une femme ainsi mise n'a aucun succès à la cour. » « Je vous avais recommandé toute autre chose, André. »« Pardon, mon père, mais Madame la Dauphine m'attend. »« Je vous assure, André, » répliquait Tavernet, s'échauffant à mesure qu'il parlait, « je vous assure, mademoiselle, qu'avec cette simplicité, vous finirez par être ridiculisé ici, mon père. »« Le ridicule tue partout. »« Et fait plus à la cour. »« Monsieur, j'aviserai. »« Mais pour l'instant, Madame la Dauphine ne me saura gré de me vêtir moins élégamment. » en faveur de mon empressement à me rendre auprès d'elle. Allez donc et revenez, je vous prie, aussitôt que vous serez libre, car je vais vous entretenir d'une affaire sérieuse. Oui, mon père, dit André. Et il essaya de continuer son chemin. Le baron la regardait de tous ses yeux. Attendez, attendez, cria-t-il, vous ne pouvez sortir ainsi. Vous avez oublié votre rouge, mademoiselle. Vous êtes d'une pâleur repoussante. Moi, mon père, fit André, s'arrêtant. Mais en vérité, quand vous vous regardez au miroir, à quoi pensez-vous donc? Vos joues sont blanches comme cire, vos yeux cernés d'un demi-pied. On ne sort pas comme cela, mademoiselle, sous peine de faire peur aux gens. Je n'ai plus le temps de rien changer à ma toilette, mon père. C'est odieux, en vérité, c'est odieux, s'écria Tavernet en haussant les épaules. Il n'y a qu'une femme comme celle-là au monde et je l'ai pour fille. Quelle atroce chance, André, André! Mais André était déjà au bas de l'escalier. Elle se retourna. « Au moins, s'écria Tavernet, dites que vous êtes malade. Rendez-vous intéressante, mordieu, si vous ne voulez pas vous faire belle. »« Oh, quant à cela, mon père, ce me sera chose facile. »« Et je dirai que je suis malade sans mentir, car je me sens réellement souffrante en ce moment. »« Bien, grommela le baron, bien. Il ne manque plus que cela, malade. » Puis entre ses dents, « peste soit des bégueules, » ajouta-t-il. Et il rentra dans la chambre de sa fille, minutieusement, il s'occupa de chercher tout ce qui pouvait aider ses conjectures et lui faire une opinion. Pendant ce temps, André traversait l'esplanade et longeait les parterres. Elle levait parfois la tête pour chercher en l'air de plus vigoureuses aspirations, car le parfum des fleurs nouvelles montait trop violemment en son cerveau et en ébranlait chaque fibre. Ainsi frappée, chancelante sous le soleil et cherchant un appui autour d'elle, la jeune fille parvint, en combattant un malaise inconnu, jusqu'aux antichambres de Trianon, où Madame de Noailles, debout sur le seuil du cabinet de la Dauphine, fit comprendre du premier mot à André qu'il était l'heure et qu'on l'attendait. En effet, l'abbé X, lecteur en titre de la princesse, déjeunait avec son Altesse royale, qui admettait souvent à de pareilles faveurs les personnes de son intimité. L'abbé vantait l'excellence de ses pains au beurre, que les ménagères allemandes savent tasser si industrieusement autour d'une tasse de café à la crème. L'abbé parlait au lieu de lire, et racontait à la Dauphine toutes les nouvelles de Vienne qu'il avait recueillies chez les gazetiers et chez les diplomates, car à cette époque, la politique se faisait en plein air, aussi bonne, ma foi, que dans les antres les plus secrets des chancelleries, et il n'était point rare au ministère d'apprendre des nouvelles que des messieurs du Palais Royal ou des quinconces de Versailles avaient devinées, sinon forgées. L'abbé causait partout des dernières rumeurs d'une émeute clandestine à propos de la cherté des grains, émeute, disait-il, que M. de Sartine avait arrêté tout net en faisant conduire à la Bastille cinq des plus forts accapareurs. André entra. La Dauphine, elle aussi, avait ses jours de fantaisie et de migraine. L'abbé l'avait intéressé. Le livre d'André, arrivant après la causerie, l'ennuya. En conséquence, elle dit à sa lectrice en seconde de faire en sorte de ne pas manquer l'heure, ajoutant que telle chose, bon en soi, l'était surtout dans son opportunité. André, confus du reproche, et pénétré surtout de l'injustice, ne répliqua rien, quoiqu'il eût pu dire qu'elle avait été retenue par son père, et forcée de venir lentement, attendu qu'elle était souffrante. Non, troublée, oppressée, elle pencha la tête, et comme si elle allait mourir, ferma les yeux et perdit l'équilibre. Sans Madame de Noailles, elle tombait. « Que vous avez peu de maintien, mademoiselle !» murmura Madame l'étiquette. André ne répondit pas. « Mais Duchesse, elle se trouve mal !» s'écria la dauphine en se levant pour courir à André. « Non, non !» répliqua vivement André, les yeux pleins de larmes. « Non, votre Altesse, je suis bien. Ou plutôt, je suis mieux. »« Mais elle est blanche comme son mouchoir, Duchesse. Voyez donc !»« Au fait, c'est ma faute, je l'ai grondée. »« Pauvre enfant, asseyez-vous, je le veux. »« Madame, voyons, quand j'ordonne, donnez-lui votre pliant, l'abbé. » André s'assit, et peu à peu, sous la douce influence de cette bonté, son esprit se rasséréna, les couleurs remontèrent à ses joues. « Eh bien, mademoiselle, pouvez-vous lire maintenant ?» demanda la dauphine. « Oh oui, bien certainement. Je l'espère, du moins. » Et André ouvrit le livre à l'endroit où elle avait abandonné sa lecture de la veille, et d'une voix qu'elle essayait de poser pour la rendre la plus intelligible et la plus agréable possible, elle commença. Mais à peine ses regards eurent-ils parcouru la valeur de 2 ou 3 pages, que de petits atomes noirs voltigeant devant ses yeux se mirent à tourbillonner, à trembloter, et devinrent indéchiffrables. André pâlit de nouveau. Une sueur froide monta de sa poitrine à son front, et ce cercle noir, que Tavernet reprochait si amèrement aux paupières de sa fille, s'agrandit de telle façon que la dauphine, à qui l'hésitation d'André avait fait lever la tête, s'écria. « Encore ? Voyez, Duchesse, en vérité, cet enfant est malade, elle perd connaissance. » Et cette fois, la dauphine elle-même recourut un flacon de sel qu'elle fit respirer à sa lectrice. Ainsi ranimée, André voulut essayer de ramasser le livre, mais ce fut en vain. Ses mains avaient conservé un tremblement nerveux que rien ne put apaiser durant quelques minutes. « Décidément, Duchesse, dit la dauphine, André est souffrante, et je ne veux pas qu'elle aggrave son mal en restant ici. « Alors il faut que mademoiselle retourne promptement chez elle, » fit la duchesse. « Et pourquoi cela, madame ?» demanda la dauphine. « Parce que, » répliqua la dame d'honneur, avec une profonde révérence, « parce que c'est ainsi que commence la petite vérole. »« La petite vérole ?»« Oui, des évanouissements, des syncopes, des frissons. » L'abbé se crut essentiellement compromis dans le danger que signalait madame de Noailles, car il leva le siège, et grâce à la liberté que lui donnait cette indisposition d'une femme, il s'esquiva sur la pointe du pied et si adroitement que personne ne remarqua sa disparition. Lorsqu'André se vit pour ainsi dire entre les bras de la dauphine, la honte d'avoir incommodé à ce point une aussi grande princesse lui rendit des forces, ou plutôt du courage. Elle s'approcha donc de la fenêtre pour respirer. « Ce n'est pas ainsi qu'il faut prendre l'air, ma chère demoiselle, » dit madame la dauphine. « Retournez chez vous, je vous ferai accompagner. » « Oh, je vous assure, madame, » dit André, « que me voilà tout à fait remise. J'irai bien chez moi seule, puisque votre Altesse veut bien me donner la permission de me retirer. »« Oui, oui, et soyez tranquille, » reprit la dauphine, « on ne vous grondera plus, puisque vous êtes si sensible, petite rusée. » André, touché de cette bonté, qui ressemblait à une amitié de sœur, baisa la main de sa protectrice et sortit de l'appartement, tandis que la dauphine la suivait des yeux avec inquiétude. Lorsqu'elle fut au bas des degrés, la dauphine lui cria de la fenêtre « Ne rentrez pas tout de suite, mademoiselle. Promenez-vous un peu dans les parterres. Ce soleil vous fera du bien. »« Oh mon Dieu, madame, que de grâce !» murmura André. « Et puis, faites-moi le plaisir de me renvoyer l'abbé, qui fait là-bas son cours de botanique dans un carré de tulipes de Hollande. » André, pour aller rejoindre l'abbé, fut contrainte de faire un détour. Elle traversa le parterre. Elle allait, tête baissée, un peu lourde encore du poids des étourdissements étranges qui la faisaient souffrir depuis le matin. Elle ne donnait aucune attention aux oiseaux qui se poursuivaient effarouchés sur les haies et les charmilles en fleurs, ni aux abeilles bourdonnant sur le thym et le lilas. Elle ne remarqua pas même, à 20 pas d'elle, 2 hommes qui causaient ensemble, et dont l'un la suivait d'un regard troublé et inquiet. C'étaient Gilbert et M. de Jussieu. Le premier, appuyé sur sa bêche, écoutait le savant professeur qui lui expliquait la manière d'arroser les plantes légères, de façon à ce que l'eau passât seulement par les terres sans y séjourner. Gilbert semblait écouter la démonstration avec avidité, et M. de Jussieu ne trouvait rien que de naturel dans cette ardeur pour la science, car la démonstration était de celle qui soulève les applaudissements sur les bancs des écoliers, dans un cours public. Or, pour un pauvre garçon jardinier, n'était-ce point une bonne fortune inappréciable que la leçon d'un si grand maître donnée en présence même de la nature ? Vous avez, voyez-vous, mon enfant, vous avez ici quatre sortes de terrains, disait monsieur de Jussieu, et si je voulais, j'en découvrirais 10 autres mêlés à ces 4 principaux. Mais pour l'apprenti jardinier, la distinction serait un peu subtile. Toujours est-il que le fleuriste doit goûter la terre comme le jardinier doit goûter les fruits. Vous m'entendez bien, n'est-ce pas, Gilbert ? Oui, monsieur, répondit Gilbert, les yeux fixes, la bouche entrouverte, car il avait vu André, et placé comme il l'était, il pouvait continuer à la regarder sans laisser au professeur le soupçon que sa démonstration n'était pas religieusement écoutée et comprise. Pour goûter la terre, dit monsieur de Jussieu, toujours abusé par l'hiatus de Gilbert, renfermez-en une poignée dans un clayon, versez quelques gouttes d'eau doucement par-dessus, et goûtez cette eau lorsqu'elle sortira filtrée par la terre même en dessous du clayon. Les saveurs salines, ou âcres, ou fades, ou parfumées, de certaines essences naturelles, s'approprieront à merveille au suc des plantes que vous voulez y faire pousser. Car de la nature, dit M. Rousseau, votre ancien patron, tout n'est qu'analogie, assimilation, tendance à l'homogénéité. « Oh mon Dieu !» s'écria Gilbert en étendant les bras devant lui. « Qu'y a-t-il donc ?»« Elle s'évanouit, monsieur, elle s'évanouit !»« Qui cela, êtes-vous fou ?»« Elle, elle, elle ?»« Oui, » reprit vivement Gilbert, « une dame !» Et son épouvante et sa pâleur lui trahit aussi bien que le mot « elle », si monsieur de Jussieu n'eût pas détourné les yeux de dessus lui pour suivre la direction de sa main. En suivant cette direction, M. de Jussieu vit en effet André qui s'était traîné derrière une charmille et qui, arrivé là, était tombé sur un banc et qui, là, demeurait immobile et près de perdre le dernier souffle de sentiment qui lui restait. C'était l'heure à laquelle le roi avait l'habitude de faire sa visite à Madame la Dauphine et débouchait par le verger, passant du Grand au Petit Trianon. Sa Majesté déboucha donc tout à coup. Elle tenait une pêche vermeille, miracle de précocité, et se demandait, en vrai roi égoïste, s'il ne vaudrait pas beaucoup mieux pour le bonheur de la France que cette pêche fût savourée par lui que Madame la Dauphine. L'empressement de M. de Jussieu à courir vers André, que le roi, avec sa vue faible, distinguait à peine et ne reconnaissait pas du tout, les cris étouffés de Gilbert qui indiquaient la terreur la plus profonde, accélérèrent la marche de Sa Majesté. Qu'y a-t-il ? Qu'y a-t-il ? Demanda Louis XV en s'approchant de la charmille, dont il n'était plus séparé que par la largeur d'une allée. « Le roi !» s'écria M. de Jussieu, soutenant dans ses bras la jeune fille. « Le roi ?» murmura André en s'évanouissant tout à fait. « Mais qui est donc là ?» répéta Louis. « Une femme ? Que lui arrive-t-il à cette femme ?»« Sire, un évanouissement. »« Ah, voyons !» dit Louis XV. « Elle est sans connaissance, sire !» ajouta M. de Jussieu, en montrant la jeune fille étendue, raide et immobile sur le banc où il venait de la déposer. Le roi s'approcha, reconnut André, et s'écria en frissonnant, « Encore ? Mais c'est épouvantable, cela ! Quand on a de pareilles maladies, on reste chez soi. Ce n'est pas propre de mourir comme cela toute la journée devant le monde. » Et Louis XV reprend sa chemin pour gagner le pavillon du Petit Trianon, en grommelant 1000 phrases désagréables pour la pauvre André. Monsieur de Jussieu, qui ignorait les antécédents, demeura un instant stupéfait, puis se retournant et voyant Gilbert à 10 pas dans l'attitude de la crainte et de l'anxiété. « Arrive ici, Gilbert » cria-t-il. « Tu es fort. Tu vas emporter Mademoiselle de Tavernet jusque chez elle. »« Moi ?» s'écria Gilbert, frémissant. « Moi ? L'emporter ? La toucher ? Non, non, elle ne me le pardonnerait pas. Non, jamais !» Il s'enfuit éperdu en appelant au secours.